Par les sentiments de nos infirmités, compatissant et miséricordieux. La parole reste vivante. Elle est applicable. Elle est crédible. Elle est efficace. Dans chaque génération, chaque âge. Et tu veilles sur elle pour l'accomplir. Seigneur, stimule notre foi. Mets-la à la bonne position, à l'expérience qu'il faut pour produire le fruit de l'Évangile, chacun partout où il vit. Reflète-toi au travers de nous. Tu es le fondeur et nous ne sommes que des scories. Tu es le potier et nous sommes de l'argile. Nous sommes des matières intraitées. Mais nous avons besoin d'être traités par toi, d'être affinés, façonnés, modélés à l'image parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes encore loin du but. Chacun pour sa part et tous ensemble dans la marche. Mais si nous nous rassemblons devant toi, c'est pour qu'en toute humilité, nous obtenions ton secours dans cette marche spirituelle pleine de combats et de défis, afin que nous puissions relever le gros défi et pouvoir refléter Christ au monde présent. Et que tous sachent que Christ est l'envoyé de Dieu et que sa mission était un plein succès. Et qu'il n'est pas venu jouer une aventure à Golgotha, mais qu'il est mort pour avoir des rachetés, obtenir des sanctifiés, mais qu'effectivement il y a des saints sur la terre, des hommes et des femmes sanctifiés qui peuvent marcher dans la piété, dans la crainte de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Parle-nous chacun maintenant et sors toute incrédulité. Détruis les forces de l'iniquité dans nos corps et dans nos cœurs. Que nos hommes intérieurs soient soufflés par toi pour être habités par le Dieu puissant. Souviens-toi de nous, Seigneur, autant que tu bénis tous tes enfants à travers le monde. Souviens-toi des petits troupeaux à cet endroit. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ici pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans sa Sainte Bible. Nous lisons à Luc au chapitre 6e. Luc chapitre 6. Nous prenons le verset 6 à 12. Il

à son évangile éternel, à ses promesses infaillibles et à sa puissance véritable. Notre foi est dans la grâce de Dieu. Une grâce excellente et réelle. Une grâce d'un Dieu bon, miséricordieux et compatissant. Un Dieu réel. Qui ne souffre d'aucun changement. Imperturbable par les situations. Qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Qu'il y ait des situations joyeuses ou malheureuses. Dieu reste le même. Après tout, il sait tout. Après tout, il est le Dieu Tout-Puissant. Après tout, il est le Créateur. Et il soumet toutes choses à sa volonté. Rien n'échappe à son contrôle, ni à son pouvoir éternel. Que le nom de notre Dieu soit béni. Et que tous ceux qui l'aiment soient bénis. Tous ceux qui aiment le retour de Christ qui soient bénis. Tous ceux qui aiment la parole du Seigneur qui demeure éternellement, qu'elle soit bénie. Nous avons cette confiance. Et nous ne venons pas en vain. Nous ne sommes pas arrivés à l'église en vain. Nous ne séjournons pas en vain. Nous ne repartirons pas en vain. Nous repartirons avec quelque chose. Aussi vrai que nous existons, Dieu a existé avant chacun de nous. Et aussi vrai que notre présence est réelle ici, la présence de Dieu est plus qu'obligatoire. Dans sa parole, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Dieu n'est pas amnésique. Notre Dieu n'est pas un soulard. Il ne peut pas paraître à demi ivre. Dieu, il est sobre. Le plus sérieux de tous les êtres, le plus fidèle de ceux qui promettent. Dieu est conscient de ses promesses et il est présent chaque fois pour les exécuter. Alors nous rendons gloire à son nom. Ce soir, nous poursuivons notre thème, comment il pouvait ministrer de la parole. Et encore depuis plusieurs semaines, nous ne m'attraquons pas trop sur les mots de ce thème lui-même. C'est resté comme un cadre élargi dans lequel nous développons ce que nous développons sur le ministère de William Branham. Comme nous l'avons entendu dimanche, c'est Dieu en a fait un exemple sans son âge. Et à l'instar de Paul, le messager du premier âge de l'Église, le septième messager, le dernier, devait être aussi un exemple. Comme Paul avait dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Bien, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Les esprits pervers que nous avons condamnés dimanche. Parce qu'ils sont novices dans les vérités bibliques. Ils sont toujours surpris quand ils lisent un verset et ils prennent un bout de mot et ils vont déformer. Alors, ce verset-là qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » est rendu dans une autre traduction par « Suivez-moi comme je suis Christ ». Il s'agit du verbe « suivre » et non pas du verbe « être ». Alors, quand les pervers prennent, ils disent Il a dit, suivez-moi. Comme Jésus-Christ. Donc, il découpe la pensée. Au lieu de garder le même verbe suivre, dans les deux bras, comparatif, analogique, non, il casse. Il dit, c'est bien, Paul a dit, suivez-moi. Alors, quand il achève en disant, comme Jésus-Christ, le deuxième celui-là, il dit que ce n'est pas suivre, mais c'est être. Et puis ils disent que Paul a dit qu'il était Christ. Alors Paul était le Christ en son temps. Et il était le messager de cet âge-là. Et donc, c'est clair selon la Bible que le messager du dernier âge aussi, il est Christ. Et pour preuve, il prend le même verset. Et preuve, Branham aussi s'est référé à ça. Il a dit aux croyants, et Paul a dit aux croyants, suivez-moi comme Jésus-Christ. Et que lui, preuve, Branham a utilisé le même langage envers les fidèles de son message. Et par conséquent, preuve, Branham se reconnaissait être le Christ pour notre temps. Donc, et la citation, mal compris, et le verset, c'est formé, malheureusement plusieurs âmes continuent à dire amen à des choses comme ça. Mais pour vous, bien aimé du Seigneur, Dieu vous a choisi pour l'amour de la vérité. Nous ne pouvons pas tolérer un seul mensonge. Une seule déformation de l'évangile. Nous voulons que la parole soit gardée dans son originalité, dans sa véracité, dans son authenticité. Moi j'aime comme ça. Et je veux que chaque fidèle de notre église aime la vérité de la même façon. Donc, quand Paul dit suivez-moi comme Jésus-Christ, il ne veut pas dire qu'il était lui-même le Christ, mais il disait que lui-même était en train de suivre Christ, et que Christ devant lui, Paul, le messager, que les fidèles qui suivent le messager suivent Christ à travers le message. Alors, notre sujet actuel dans ce grand thème, c'est la deuxième commission de William Branham. Et la pensée de méditation, il s'agit là de la commission du 17 mai 1946. Alors, nous avons pour passer des méditations le ministère de Frère Branham, le ministère de Jésus-Christ, je veux dire, reproduit. Donc, ce ministère-là reproduit en utilisant une citation tirée de la prédication des hommes qui sont plus ou moins maintenant vendredi dernier. Le prophète William Branham a parlé de la réincarnation du ministère de Jésus. La réincarnation de son ministère. Et dimanche dernier, par la grâce de Dieu, il nous a conduit à revenir autour de ces mots-là, réincarnation. Pour d'abord refuter la fausse doctrine des satanistes et des occultistes qui croient à la réincarnation de personnes physiques et que les êtres passent par plusieurs cycles de vie avant d'atteindre la perfection. Et il développe les théories de la loi du karma, c'est-à-dire l'équilibre, la balance, l'équilibre entre le bien et le mal. L'équilibre des œuvres que chacun de nous produit étant dans sa vie ici-bas. Les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, les bonnes actions et les mauvaises actions, il prétend que Dieu met ça dans une balance. Et c'est du côté où la balance penche qui va déterminer les prochains cycles de vie. Ce sont des faussetés. Il n'y a rien de vrai dans tous ces mensonges. La Bible de Dieu est le seul livre de vérité. Je ne le dis pas parce que je suis moi-même un chrétien, mais ceci est une évidence partout. Cette Bible est le livre le plus vendu au monde. Mais savez-vous, la Bible chrétienne, plus que le Coran des musulmans, c'est le livre le plus vendu au monde. Le livre le plus acheté. Parce que beaucoup d'âmes reconnaissent bien les vertus et les vérités indiscutables contenues dans son livre. Même ceux qui les contestaient ont fini par les reconnaître. Même ceux qui en doutaient l'inspiration ont fini par reconnaître qu'il y a un souffle spécialiste. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en parlant du ministère de Jésus-Christ reproduit, nous voyons clairement que son ministère devait être intensifié. Identifié pourquoi? Parce qu'il ne s'agirait pas de Jésus-Christ, l'homme physique, en train d'accomplir le ministère dans son corps physique sur la terre ou quelque part. Mais il s'agit de son esprit. Il rendrait l'église de Dieu. Et comme on l'a vu dimanche, progressivement, il devait rendre un prophète promis. Un homme comme vous et moi, mais sur lequel le destin de Dieu reposait. Il y avait une mission scripturaire déterminée à la fin. Mais après son passage, nous avons vu toujours dimanche que le même ministère de Jésus-Christ devait continuer et se parfaire dans l'église épouse. Et alors ce ministère-là devait être intensifié. Donc on doit les repérer. Parce qu'il ne s'agira pas de Jésus-Christ, l'homme physique, sur la terre, dans un endroit, un désert, une région de la terre. Mais ce sera son esprit sans des hommes. Sans des hommes et des femmes, mais reproduisant les mêmes œuvres, le même travail que lui avait fait. De manière amplifiée. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Oh, il est écrit dans Marc chapitre 13. Et ce qui suit. La Bible dit ceci. Au verset 21. À 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Le Seigneur nous a tout dit devant. En des termes précis et clairs. En quelqu'un se lèvera pour commencer à dire, le Christ est ici où il est là. Mais ne croyez pas. Il y en a qui vont croire que c'est à leur risque et péril. Mais les disciples du Seigneur sont déjà avertis. Ce n'est pas croire pareil chose. Parce que nous l'avons dit la semaine passée. Et ça demeure la même parole de vérité dans son message. Jésus-Christ ne posera pas son pied sur cette terre. Tant que l'église du Seigneur n'est pas encore enlevée. Tant que le festin de noces dans le ciel ne sera pas encore terminé. Et là, je dois vous demander pardon. Parce que ce jour-là, en parlant, j'avais dit que c'était la référence dans l'âge de l'église de Fès. Mais ce n'était pas Fès. C'est la prédication, l'âge de l'église de Sardes. Alors pour ceux qui reçoivent nos prédications à travers les réseaux, c'est déjà connu. Okay. Et la citation est même là. Donc, tel qu'elle a été évoquée. Que Dieu soit béni. Amen. Voyez, frère. Donc, Jésus-Christ ne posera pas son pied sur cette terre. Tant que l'église n'est pas d'abord enlevée. Et ailleurs, il a dit que même au moment de l'enlèvement, quand il vient, ce n'est pas trop lui qui vient vers nous. Mais c'est l'église qui est là à sa rencontre dans les airs. Parce qu'il s'arrêtera là très haut. Et l'église montera pour le rencontrer là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, chers bien-aimés, Dieu nous aime. Et il veut que nous aimions sa vérité. Et que nous gardions sa parole. Alors, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici, ou qu'il est à tel endroit, oh, on l'a vu, c'est faux. Au moins une vision. Ah, ok. Une vision, oui. Ou son apparition, comme il était apparu, a dit que c'est symbolique. Pour confirmer son message en 1963. C'est dans un but. Et puis il est retourné au ciel. Mais ce n'est pas pour nous faire la compte. Bon, il était venu dans les airs. Nous avons vu son visage. Il continue à être là-bas dans l'invisible. Attendant que l'église soit prête pour que nous rejoignions là-bas. Il me fait l'histoire, il n'est pas dans le message. La vision qui annonçait cet événement avait montré qu'après les tours, les anges étaient retournés au ciel. Avec le Seigneur, il est retourné au ciel. Donc ce qu'il raconte, il est resté là-bas de manière invisible. Ce sont des menteurs. Frère Branham, il a pensé comme ça. Il n'a jamais dit pareil. Il dit, nous ne pouvons pas nous faire croire ça. Donc si quelqu'un me dit qu'il est ici, ou qu'il est là, ne courez pas après. Ne croyez pas. Jusqu'au jour où nous les rencontrerons physiquement. Le temps là vient. Matthieu a formulé cet avertissement presque dans les mêmes termes. Matthieu 24, le verset 23 à 25. Oh non, même jusqu'au verset 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne les croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voici, je voulais annoncer d'abord. Marc a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Matthieu dit, je voulais annoncer d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Est-ce que c'est clairement dit? Amen. Un groupe viendra dire, il est ici. Où? Moi je vous dis ici. Où? Wabi. Tu dois voir les yeux pour voir, là. Il est ici seulement. Moi je le vois. Moi je suis fils d'Abraham. Il est visible aux humains, mais présent pour les siens. Il est ici, moi je vous dis. Je ne veux pas trop montrer les gens parce que tu risques d'imiter. Ne croyez même pas. Il vous dit non, il est là. Mais il est là, regardez. Ne croyez pas. Christ, l'homme physique, doit rester au ciel. Amen. Hein? Acte 3, verset 21. Il doit rester au ciel jusqu'au temps, au temps du rétablissement de toutes choses. On l'a mis encore dimanche. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète d'autres fois. Tout doit d'abord être rétabli. Tout. La fête de la Pentecôte doit être rétablie dans l'Église. Dans la prédication, reconnaître votre jour et son message. Le problème a posé la question aux croyants. Qui sera rétabli pour les gens de la Pentecôte? Qu'est-ce qui sera rétabli? Et puis il répond, il dit, c'est la fête originelle de la Pentecôte qui doit être rétablie. Le Saint-Esprit revenant sur l'Église comme il était descendu dans la chambre haute. Non pas les imaginations, mais les mêmes scènes. Voyez le genre de scène qui est décrit dans Acte 2. Des langues semblables, des langues de feu, les apparus, c'est pour les dîmes. C'est ça qui doit revenir dans l'Église. Non pas je crois à la puissance de Dieu, mais tu es rempli ton homme. Mais l'Église est en chemin pour le plein rétablissement. Et parmi les choses qui doivent être rétablies, il y a la fête originelle de la Pentecôte. Quand vous verrez exactement le même signe, vous saurez alors que Dieu a ramené exactement le commencement. Et le faut que vous sachiez cela. Donc, le corps physique de Jésus-Christ doit rester au ciel. Jusqu'au temps du rétablissement de Jésus. Le temps est déjà arrivé. Le processus a déjà commencé. Il y a un message de restauration qui est en train d'être appliqué. Il y a des âmes qui ne l'ont jamais entendu. Mais tous qui sont prévus doivent l'entendre. Tous ceux qui sont destinés à croire, croire. Et c'est alors que le plein accomplissement se réalise. La pleine restauration de ce qui est pris. Et ça se fera avant notre départ soudain et secret. J'ai confiance que Dieu est fidèle, il ne va jamais se rétracter. Mais alors, si quelqu'un se lève, même en ce temps du rétablissement, où un processus divin est en cours, mais qu'il vous dit, il est ici, oh le Christ est là, oh le Christ, voici il est dans les déserts, oh non, il est dans les chambres ici, n'y allez pas, ne perdez pas votre temps, n'y croyez même pas, attendez son retour ici. Et Frère Brunham nous dit ceci. Peut-être que vous ne le verrez jamais jusqu'au moment où il descendra physiquement du ciel à son retour. Peut-être que vous ne le verrez jamais. Oui, Jésus-Christ. Jusqu'au moment où il descendra du ciel, à son retour, c'est alors que vous le rencontrez. Même s'il peut vous priver une vision. D'une apparition de lui. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous raterez l'enlèvement. Peut-être que vous ne le verrez jamais. Jusqu'au jour où physiquement il descendra du ciel. Là dans le ciel et que vous irez à sa rencontre. C'est une possibilité. Croyez l'évangile, pratiquez la parole. Qualifions-nous pendant que nous en avons l'occasion. Ne donnons pas accès au diable, ne faisons que du bien. Est-ce que vous aimez l'évangile? Alors si l'on vous dit ici là, ne croyez pas. Et peuple là, il pose une question que nous croyants, nous devons, à laquelle nous devons réfléchir et méditer. Dans les sermons, les super signes. Prêché le 29 novembre 1963. Le super signe, paragraphe 181 à 183. Il dit, le ministère de Jésus-Christ, en ces jours-ci, s'est-il tellement identifié au jour où il était ici, quand il avait prêché pour la première fois? Le ministère de Jésus-Christ. C'est en ces jours-ci. Posons-nous la question. En ces jours-ci. Quand vous lisez ça et que vous le mettez au jour où Frère Branham parlait, quand il est encore vivant, la question méritait d'être posée. Mais quand nous l'appliquons aussi aujourd'hui, bien que Frère Branham n'est plus là, mais que nous continuions à nous préparer pour le retour de Christ. La même question mérite d'être posée encore. Le ministère de Jésus-Christ, en ces jours-ci, c'est-il tellement identifié? Au jour où il était ici, quand il avait prêché pour la première fois, qu'allez-vous dire, Église? Qu'allez-vous répondre à cette question? Qu'allez-vous dire? Est-ce que son ministère de Jésus-Christ, vous l'avez-vous identifié? Est-ce que son ministère était lui-même identifié? Par rapport au jour où lui-même était sur la terre, dans son corps physique. Quand il est évident, aujourd'hui, physiquement, non, il n'est pas là. C'est nous les croyants qui les représentons. On a dit que nous sommes les ambassadeurs pour lui. Je connais ces saints. Faisant les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc, nous le représentons. Pendant que lui-même physiquement n'est pas sur terre. Mais le même esprit qui était en lui est en l'église. Nous l'envoyons et continuons la mission. Amen. La question doit être posée maintenant. Est-ce que le ministère de Jésus-Christ s'est-il tellement identifié en ce jour? Comme à l'époque où lui-même était sur terre? Votre réponse? Réponse de l'église? Oh. Que répondez-vous? Son ministère s'est-il tellement identifié? Alors, vous dites oui. Quelqu'un a dit oui. Je veux maintenant voir. Comment alors? Qui peut dire brièvement? Comment s'est-il identifié? En une phrase ou deux. Si la réponse est oui, de quelle façon comprenez-vous ou expliquez-vous ça? Et vous pouvez l'expliquer même à quelqu'un, un nouveau venu, dans l'église ou un païen. C'est ça. Vous dites ministère identifié. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelqu'un peut-il dire brièvement ce qu'il a encore passé? Vous avez donné Kabbalah? par le discernement des pensées. Et là, je suis le discernement des pensées, frère Branham. Merci frère Jérôme. Donc, rappelez les canisiens de Népo, et il y a un moment où ils allaient Iyo, c'est Ndakisha. À côté de ça, ils allaient William Branham. Dengue à Manéko Sosola, parce que les amitiés Mayabat, vous yendez, ministère à Jésus-Christ, et mon ami, la yamono copéza. Peut-être que vous avez organisé autrement. Vous avez organisé mon souci. Vous avez dit que vous avez organisé mon souci. Vous avez pour répondre à la même question de Frère Branham, j'ai dit cette question, on peut la reporter à l'époque où Frère Branham était vivant. Nous pouvons aussi la mettre au temps actuel où Frère Branham n'est plus sur la terre. Et la question mérite d'être posée. Le ministère de Jésus-Christ s'est-il tellement identifié en ce jour-ci, comme ce fut le cas au jour où il était sur la terre dans son quotidien. Encore un doigt, là-bas, ce frère Joseph Palemba, du coup. La lumière est un peu faible. Est-ce que miracle est identifié ministère à Jésus-Christ? Donc, la guérison divine, les canicies, c'est ça, on l'a dit, on l'a dit. Guérison divine. C'est pour le bâtiment de l'épandémie, ministère à Jésus-Christ, d'après l'estimation, 86% des alachis au monde de la faune à la belle, à Kaya, la guérison divine. Mais dans le cas de mon souci, les alachis paient, discernement de pensée. N'est-ce pas les 3 semaines passées? Oui. Donc, Ningue frère, j'ai donné à l'Ouadji du Bosso, après ça dit, n'envoyez la réponse. Tu vois que le bâté Iyo, il faut qu'il n'y ait pas. À faire des réponses, c'est bien, 20 sur 10. C'est, il faut toujours au Mayola. Toujours méditer. Quand la question revient, méditer toujours. Amen. Pour les âmes à Kamboya Tatana Bisso, il faut trouver l'amour malade. Donc, Nego Joseph a participé à ce premier soufou, il y a ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est un discernement, mais pas guérison divine. Amen. Et c'est un miyawa, c'est même le passé. Tout en a qui a la Bible, tout en a qui a la participation. Gloire à Dieu. Amen. Mais là, c'est quoi? Là, nous soufou, on a pas évalué, il était à dimanche dernier. Après, il peut qu'on fait ça, et il y a non, n'a pas tout n'a oyo. Le ministère de Jésus-Christ. Et c'est le temps de Jésus-Christ. Est-il seulement identifié à ces choses-ci? Comme au jour où il était sur la terre, dans son corps physique. Encore une réponse. Il y a une réponse. Il n'y a plus? Bienvenue. Voilà. Ok. Identifié à celui de Jésus-Christ, donc par là même venu de réfléchir la pensée. Lorsque la fête de la Pentecôte sera réclamée dans le but, et cela va directement attirer la venue de la promesse. Merci frère Rémi. Merci. Donc, il y a péché à nous, non. par rapport, il y a après prophète. La quatre église épouse. Il y a le but. Là, le monde a mis des années. Donc, il y a prophète aux gens d'accord. Et ça, mais pour les deux aspects, ok. Mais la quatre église épouse. À mon équipe, non. Voilà. Là, la ligne à l'obassus. Dicanisme au sous. Région, c'est la même chose. Non, non. Ah, ok. Oui. Moi, j'ai dit oui, à Michel à Jésus-Christ, parce que je vois les deux frères de son nom de l'Évangile. Et qu'il a dit après la prédication, il a négocié sa prédication. La prédication, c'est fait jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans la récompense jusqu'aujourd'hui. Après la prédication, nous avons moins. Qu'ils ont dit, ils vont se chasser dans les mains. Ça, c'est fait. Voilà, la bande de commis va aller, même au pasteur, même église. Même Mathias, la musique qui est là. Bon, mon corps le dit, c'est. Hein? Après le frère Branham, hein? Moi je parle de Iyo. Voilà, parce qu'ici, il était à. Il était à Sangoumalam. Il est au Sangoumalam, n'est-ce pas? Dans son ministère. Avant de monter à Sangoumalam. Donc on a dit à Watindi, les 12. Aïe, il s'agit de Mogoteya. Moteya. Mais bon, ça a été beaucoup de Nazambé et de l'élu. Donc on a qui était, dans le côté de la 70, à Zongé les Bango, allez, boke, mais Boloba. Boloba, Moteya était, mais Boloba. On va arriver à terre, on va arriver à disciple. Boloba, hein? Vous posez dans Zambé et Bélémi. Et, tant qu'on a dit ça, nous avons le prophète Koloba, le royaume de Dieu s'est approché. Voilà. Et donc, ça n'est pas comparaison, on va aller se mettre dans Zambé. Alors, par rapport à l'aspect Wana, où les acquis, quatre dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, Père Jean et Aloubi, ils sont venus dans la carte. Aux prédications, ils ont combat. Et ma guérison divine, et Zokoba. Bien que frère Branham Makenda. Nani a colo. Oui, frère Kale. Donc, le ministère de Jésus-Christ, il a fait Israël, il a fait Joseph à Ebokadia, il a fait genre création. Dans Homo Yapetelo, il y a eu ce filet qui a été jeté et des poissons que Dieu a créés. Mon amour, il va voir qu'à qui paye, il va me dire si on s'en va à quel âge. Voilà. Donc, ça a eu lieu. Dans le ministère de Jésus-Christ. La démonstration de la puissance divine. L'exclusivité de Dieu. En fait, c'est quoi? Quand Jésus-Christ guérit les malades, c'est un des attributs de l'exclusivité de Dieu. Et quand il y a la création, c'est aussi un attribut qui appartient à Dieu seul. Alors, dans le ministère de Jésus-Christ, il y a eu ça. Dans le ministère de Frère Branham, il y a une création de ces créatures. L'avons-nous identifié? Est-ce que ça s'est identifié? Oui. Mais maintenant, dans le ministère de l'épouse, l'église épouse, la création, a-t-elle déjà opéré? Mais ça attend quoi? Ça attend quoi alors? Là, vous avez dit, nous sommes dans le salamité, dans Oyo, il y a des choses qui sont faites dans la moitié de la ça attend quoi? Questionnons-nous. Ce sont les affaires de notre père, de la maison de notre père. Ça attend quoi? Mais comme je vous avais dit, même Jésus-Christ lui-même, là il y a plusieurs mois qu'on l'a démontré ici. Quand il avait commencé son ministère, il a commencé avec des œuvres saintes, et il est monté. Et il avait dit lui-même, le Père aime le Fils, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il a évolué et il a atteint un niveau. C'est démocratique. L'Église épouse aussi. Ne vous en faites pas. En réalité, le ministère de Jésus-Christ est en train de s'identifier dans l'Église. Mais dans une faible mesure. Cette mesure peut être tellement faible que frère Rémi lui a dit non. Mais cette mesure, bien que faible, vers Jean, lui, il dit oui, oui, admettons quand même. Reconnaissons quand même. Vous voyez, j'ai fait le pastorat. Donc, deux brebis de la même bergerie ont donné deux réponses. À côté de mon ingati. À côté de mes vérités. Donc, son ministère se reflète dans une faible mesure. Mais attention, mes frères et sœurs, nous devons grandir. Nous devons croître. C'est comme quand Frère Prenant me demande. Beaucoup de gens parlent de la foi de l'enlèvement aujourd'hui. Ils prétendent de la foi de bientôt. Comment Dieu peut-il vous donner la foi de l'enlèvement alors que vous n'avez même pas la foi pour guérir des maladies? Vous n'en avez pas. Un petit mal de temps, Dieu n'a pas assez de foi, Dieu peut faire ça. Mais tu peux croire que Dieu va t'enlever. Donnez le principe que tu crois ça. Il dit, ça passe. Il dit, non, nous on n'a même pas cette foi à la guérison de Dieu. Ne parlons même pas de la foi de l'enlèvement. N'en parlons pas. Parce que si une foi saine, il faut plus s'élever. Donc, le ministère de Jésus-Christ doit s'identifier de plus en plus clairement dans l'Église. Car vous savez que l'œuvre du ministère, dont Ephésiens 4 dont vous avez parlé, en vue de l'œuvre du ministère, quand nous avons parlé de l'appel de William Branham, une œuvre plus grande que lui devait accomplir quand il serait plus âgé. Et cela était en connexion avec l'œuvre inouïe que le prophète Esaïe avait prophétisé. L'œuvre ultime, la phase finale du service divin dans l'Église, le pouvoir prononcer la parole créatrice. Ce sera le troisième pôle de l'Église de Dieu. Et ce que vous avez vu temporairement sur Frère Branham, nous le verrons à accompli dans la plénitude de sa puissance. C'est une promesse. Ce qui veut dire que nous allons atteindre ce niveau-là. Si toi tu ne fais pas, moi je crois fermement. D'ailleurs, dans mes commissions, j'ai entendu venir la pluie. Cette dernière pluie va venir. Je serai le seul chose pour moi. L'Église ne restera pas que ce qu'elle est. Il y a des choses que Dieu fera encore. Toutes les bouches des critiques seront fermées. Tous ceux qui pensent être plus forts que nous là, plus puissants que l'Église du message là, seront confondus. Ils verront que l'original c'est dans les bouches de Christ. L'original c'est dans son message. Alors continuons à nous préparer. Honorons ce message. Dieu nous honorera. Dieu portera son Église. Il l'éduquera, la présentera au monde. Et la mienne, c'est celle-ci. Parce que sa dénomination. Parce que ma cause de dénomination. Mais l'Église, tout de Christ se bénira. J'y crois. foi fermement et je me commande pour ça. Bénissons-le, nous disons à ton Dieu de promesse. Nous allons atteindre ce niveau. La grâce de Dieu est dans sa parole. Nous y parviendrons certainement. Alors le super signe. Je continue à lire. Le ministère de Jésus-Christ. Après tout, c'est-il tellement identifié au jour où il était ici? Quand il avait prêché pour la première fois? Or, quand il avait prêché pour la première fois, on avait lu ici la semaine passée dans Marc 1, verset 14-15. Quelles étaient ses premières paroles? Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est cela. Est-ce que son ministère s'est-il identifié à ce point-là? C'est la question que nous nous posons. Comme quand il avait prêché pour la première fois. Tant que c'était un jeune prophète de Galilée, tout le monde le voulait dans son église. Et quand il guérissait les malades et tout. Mais quand il s'est mis à apporter la prophétie, à les réprimander, à les taxer des races du Père. En ce moment-là même, il a commencé à décliner. Et finalement, il a été amené à sa crucifixion, un assassinat. Excusez-moi. C'est là où on l'a amené à l'assassinat. De l'impopularité à l'assassinat. Cette caractéristique-là, mes amis, est-elle également identifiée dans le ministère de William Branham? Y a-t-il eu des départs? Est-ce qu'on l'avait abandonné? Plus la vérité ne me fait sortir. Quand il a prêché en 1958, la semence est disparue. Quand il est intervenu pour présenter l'ordre dans l'opération des dons, même frère Junior Gerson qui était courageux de présenter, et son thème de foi. Et quand on est arrivé à la prédication de cette sœur en 1963, quelle froideur dans l'église après ça. Au point que Frère Branham était déçu, il a fait même le chemin d'aller vivre dans le désert. Il était carrément la ville et tout, il était même le ministère. Il dit, on ne m'a pas compris. Les gens n'ont rien compris. Alors c'est Dieu qui a dû les ramener de là. Il lui a dit, mais toi là, et toi. Et puis il lui a parlé. Nous verrons cela. Il lui a décrit le genre de ministère qu'il a. Il dit que c'est plus que ce que ça veut donner à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu lui-même disant ça. Vous voyez comment il essaie de nous consoler. Amen. Quand nous sommes tellement désappointés, il essaie quoi dire pour nous remonter. Amen. Et puis il lui a montré cette sommet, cette montagne. Il regarde là-bas. Tu vois combien de... Qu'est-ce que tu vois? Montez-moi cette montagne. Et puis là, il y a combien de pics? Il dit trois pics. Il dit, alors ton nom compte combien de lettres? Il dit sept. Il y a combien de noms dans ton nom? Il dit trois. Ce sont les trois pics. Il dit, ton nom est inscrit dans ces montagnes. Dieu est le créateur des montagnes. Amen. Qui vient dire à Branham que son nom est inscrit dans les montagnes. Et Corban Branham était comme on a le collègue qui le voyait et tout ça, les sept là, c'est c'était en accord avec son. Et ces banquetos, il y a mon acquis à droite. Il y a beaucoup de monde. Pour les montagnes, ils étaient créés il y a des siècles de millénaires. Mais Dieu créateur, il a placé le nom de Branham là-bas. Vous voyez pourquoi les branhamistes allaient départir, ils ne peuvent être réduits. On ne va pas se laisser fatiguer. On va garder ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit. On s'arrête là où Dieu s'est arrêté. Amen. Il lui a montré ça. Il lui dit, pourquoi tu attends que je te pousse chaque fois? Je t'ai déjà donné la commission. On lui a dit, mais tu attends que je te pousse. Retourne là-bas dans la brèche. Il a fait demi-tour. Conflit. Avec sa voiture, il avait emballé déjà des histoires pour aller vivre en brousse. Il disait à Dieu, Seigneur, j'ai cru que j'étais comme le prophète de l'Ancien Testament. Je me suis dit, et aussi comme Élie et les autres qui vivaient dans la brousse. Je préfère aller vivre là-bas pour ne pas avoir trop de problèmes. Il dit non. Tu as été appelé à des fonctions beaucoup plus supérieures. C'est cela. Et dans ton ministère apostolique, tu as reçu plus de dons que tous. Parole. On est là. C'est toujours le ministère de Dieu. Que Dieu nous aide vraiment à saisir chaque chose à sa bonne place. Mes chers amis, voilà ce que c'est. Il a été rejeté. Maintenant, aujourd'hui encore, la vérité, la pleine vérité de l'évangile est tordue. Les tendances populaires, même dans les milieux du message, sont des compromis. Levez-vous et dites aux gens qu'ils doivent connaître l'heure, le jour de leur baptême du Saint-Esprit. On va vous regarder. Comme je vous l'ai dit, mais nous disons que Paul ne pouvait pas, mais pas le savoir. Pierre, le premier soir, il ne pouvait pas, mais pas le savoir. Le message, je l'ai dit. Vous avez mal compris. Toujours, ils comprennent bien. En train d'amener les multitudes dans des fausses croyances et des fausses convictions. Lèvez-vous, dites-leur qu'il faut un appel au ministère authentique avant de prêcher l'évangile. Ah, il veut dire qu'il n'a que lui qui a le droit de prêcher. On déforme aussitôt. C'est le moyen de vous traiter. La vérité du Seigneur est impopulaire. Même dans le milieu du message. Mes bien-aimés frères et sœurs, honorons ce message. Amen. Ne regardez pas aux ondes. Il y a un adage qui dit, les chiens aboient et la caravane passe. C'est comme le véhicule qui fait le bruit là. Si frise le chien qui est ici, frise. Comme la petite Salem est venue me demander si je dis frise. L'autre jour, je dis frise. Alors que moi je n'ai pas dit frise. Il était ici libre dehors. C'est lui qui est au volant. Ne doit pas arrêter de manœuvre. Il y a un chien qui aboie. Il veut classer le véhicule. Continue quand il ignore les chiens. Alors la locution verbale veut dire ceci. Même l'occasion, le chien aboie, la caravane passe. Concentre-toi sur ce que tu fais. Il fait ça d'abord, il pour ça. Sans t'occuper des zombies, on a des critiqueurs qui qui essaye de parler en mal. Oh, bah, donc, mais qu'est-ce que tu vas nous commander? Il a une chose à faire, fais-la. Donc, pas ça, ça, ça. C'est ça, le chien à boire et la caravane à boire. Nous, Nani, et qui est le chien, qui est la caravane? Non. C'est une expression, une locution verbale. Je vais dire ce que ça veut dire. Voyez, frère. La vérité du message est de plus en plus impopulaire. Plusieurs églises ont laissé tomber les barrières pour laisser entrer la mondanité. Les choses du monde sont centrées à grand. Même les dénominationnels commencent à prendre les micros dans les assemblées dites du message. Et des frères soi-disant chantres du message qui partent coaliser avec les dénominationnels et produisent une clip ensemble. N'oubliez que dès le commencement, quand nous avons entendu le message, il était dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous et ne touchez à rien de plus. Les abaissés de l'évangile et jetez la poubelle. Non, mais si vous parlez de séparation, vous êtes des extrémistes. Nous devons vivre avec les sacrés. Et c'est lui qui dit comme ça, il mange le maïs. Il est le mazouka. Nous avons vu avec les chants frères. Et vous êtes toujours en contact. Vous êtes des extrémistes. On doit effacer ces versets de la Bible. Qui veut dire, séparez-vous que Dieu l'a donné. Dieu l'a dit, séparez-vous. Bon, ça veut dire quoi d'abord? Trop de compromis, trop de légèreté. Mais ceux qui craignent Dieu sont de se parler l'un à l'autre. Souffrons l'opprobre de la parole. Persévérons malgré tout. Faisons ce que le message nous dit de faire. Ne critiquez, Dieu s'en occupera. Concentrons-nous sur les affaires du Père Céleste. Accomplissons le devoir chrétien. Arrêtez. C'est amen. Nous aimons ça. Voilà. Dans les ministères de Jésus-Christ, il y a aussi l'abandon et le rejet, l'impopularité. Dans le temps où on a encore un Jésus Christ, Batika qui est, et Babo qui s'est qui est, Batimine le Banabo qui est. Ça y est là. Nous devons identifier ces choses. Pour savoir que Christ est là. On a pris des écrits sur Zawad. Le prénom dit dans les appréciats de mon ministère. Le prénom a le bien habité. Un homme s'en tient toujours à la parole. Et qu'il continue à s'en tenir à la parole malgré tout. Il arrivera un temps où on va l'abandonner. Amen. On va l'isoler. C'est la caractéristique de Christ. Amen. Dans son ministère, il y a ça. Mais soyez ni complexés, ni confus. Sentez-vous digne de porter une part de vos souffrances aux souffrances de Christ. À cause que l'Esprit de Christ est en vous, il attirera les souffrances de Christ. Les humiliations, du rejet, du mépris. Hein? Ne veut-il pas mépriser et abandonner les hommes? Esaïe va-t-il pas annoncer pas son sujet? Esaïe 53. Verset 3 à 5. Les étés quoi? Mépriser et abandonner les hommes. Et son esprit en vous vous fera fibre saisir les mêmes sortes. Et les critiqueurs profiteront pour vous. Vous noyez davantage dans votre réputation. Comment vous dites? Christ, à la croix, il s'est accompli. La Bible elle-même dit ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Même la ceinture de ses disciples. L'abandonnèrent. Ce qu'il y a de bois là. S'il avait un temple, un tabernacle construit, vous alliez voir un grand dividende. Il est la personne. Il allait se retrouver dans le ciel, le berger là-bas. Le point où vous pouvez être capable de faire. Frère, il ne faut pas regarder à ce qui frappe les yeux. Soyez intéressés à la justice du royaume de Dieu. Amen. C'est pour là. Vous savez, non? Alors je poursuis. Mais rappelez-vous. Il avait un autre ministère. Il a prêché à ceux qui étaient éternellement perdus. Les damnés, les condamnés. Ceux qui ne s'étaient pas repentis quand ils en avaient l'occasion. Alors, reprenons poser la question. Ce ministère reviendra-t-il comme cela? Où le ministère continuera jusqu'à être exercé pour les perdus et les amener? Oui, il n'y aura pas de miséricorde pour eux. Pensez-y. Et si cela peut être le cas. N'oubliez pas que la prédication de Séphardim et Jélie, elle était prêchée le 29 novembre 1963. C'était après l'ouverture des questions. La prédication sur les questions. Même les âmes qui sont en prison. Toujours après. Les chocs que le prophète a ressentis. Un message glorieux de haut niveau. Les secrets cachés depuis la fondation du monde. Mais que Dieu donne grâce d'être communiqué dans un petit tabernacle là-bas à des personnes. Mais les gens continuent à vivre dans l'indolence, la négligence, l'abandon spirituel, le formalisme. Il était choqué. Son lit produit une race spéciale de croyants. Alors il a commencé à dire, peut-être que c'est le temps où je presse les gens à ce qu'ils ne peuvent plus que toi. Parce que ça lui paraissait impressionnable. Totalement impossible à concevoir. C'était ce qui lui est arrivé. Christ a dit. Nous supportons son opprobre. Mais allons donc à lui hors du camp. Apportant son opprobre. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sont-on pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Car nous n'avons pas ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pèlerins et voyageurs ici bas. Regardons la question de notre niveau moderne. Si portons l'opprobre à cause de l'évangile, à cause de la vérité de la parole. Ne vous occupez pas des critiques. Des détracteurs. Des pessimistes. Soyez concentrés sur les bits de Dieu. Sur les choses de votre Dieu. Voyez. Alors maintenant ici, dis-moi, peut-être que je prêche maintenant des gens qui ne pourront plus jamais être sauvés. Alors je vais continuer à le faire. Vous direz, est-ce ça très prenable? Réponse, je ne sais pas. Il peut être plus tard que nous ne l'avons pas. L'identification du ministère de Jésus-Christ reproduit. Retrouver les mêmes traits caractéristiques. À travers la marche des services divins. Si Dieu vous fait cette grâce, acceptez de souffrir avec nous. Ne cherchez pas un lit d'aisance là où le service divin est au milieu des épines. Ne venez pas à l'église pour des intérêts égoïstes, mondains. Pendant que le service que nous accomplissons pour Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ça veut dire mal compris. Vous rappelez? Mal compris. Alors, dans le Timothée chapitre 1, l'Écriture va dire ceci au verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Voyez, vous croyez que vous avez un contact avec la colo de la bisauté, vous faites quoi dans la vie, vous cambaminez, quasi. Oh, mais maintenant, mon aïeux n'a pas si vous pouvez attendre la boucle de la moto. Ne cherche pas du grand bonheur. Sauf pour toi. Soyons ensemble. Amen. Nous souffrons ensemble. Amen. Mais Dieu a fait des promesses. Et si nous souffrons avec lui, vous connaissez ce qu'il a promis. Dans Romains chapitre 8. Il est dit ceci au verset 16 à 17. Sans suivre les détracteurs, les calomniateurs, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un méprisé, abandonné, minimisé, exercé, détraqué. Mais l'Esprit lui-même, Dieu lui-même, vous rassure. Il a témoignage de notre spécialité. Que nous sommes les enfants. Le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand que celui des hommes. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Sauf que ton Daliban, mais vous allez basangoli na diboula. Vous allez basangoli na diboula na zambé, basangani na Christo kona kosangoli diboula na ye elongo. Sauf que ton koyo kaka pasi na ye elongo, kete tozo akambo ikamoko na ye. Et le verset 18, j'estime, moi aussi, moi aussi, que les souffrances qui sont présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La bande de pas si dans ta moyo, il faut qu'il faut que ma matière, dans quel mot est-ce qu'il faut qu'on en a cassé la vie. Le vrai bonheur est un bonheur éternel. Que nous les gardes réserve, chers combattants de la foi exprimée. Dieu vous amènera trop au but. Et il vous honorera comme vous ne pouvez pas. Il vous couronnera lui-même. Il vous réservera les services du ciel. Les joies de votre maître vont être préparées pour vous avant la fin du monde. Un jour, vous y entrerez quand même. Bon courage. Bonne persévérance. Vous êtes ici. Bataillons. Bataillons. Combattons. Persistons. Amen. Nous sommes dans le bon. Alléluia. Nous sommes dans le bon. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. je me relis encore ce que vous connaissez, ce que vous pouvez dire de Timothée 4 ici. Verset 16 à 17. Oh, disons, verset 16 à 18 encore. De Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ça j'aime. Ça j'aime encore. C'est vieil évangile, c'est ancien évangile. Ça j'aime. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Toi, non, c'est pas perdre courage. Amen. Vous allez connaître les autres aussi. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tant que nous montrons la mission à l'Ibanda, ils allaient mettre les mains. Mais, nous montrons la mission à la Kati, ils allaient profond, quand Kailo connaissait comme Kolo na Mokolo. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au intérieur de toutes les mesures, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses physiques, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ils sont au côté de la cathé. C'est un corps là, c'est dimanche passé en passant.

m'a dit, tu es né pour prier pour les malades. Et il m'a dit d'aller partout dans le monde. Et je lui ai dit, les gens ne voudront pas me croire. Car je n'ai pas d'instruction. Et il a dit que de même que Moïse avait reçu des signes, je recevrai des signes. Et il a dit que le premier consistera en ceci. Les gens placeront leurs mains sur moi. Et je serai alors à mesure, si je ne maîtrise pas ma propre pensée, de leur dire exactement ce qui ne va pas. Et ce sera lui qui parlait. Parce que Branham devait s'abandonner. Non pas utiliser ses propres idées, ses propres pensées. Mais même toi, ta mission sur terre, ton rôle sur terre, que Dieu attend de toi. Ne l'imagine pas. Demande-le-lui, il te révélera. Amen. Et puis il a dit, si tu es sincère, il arrivera que tu connaîtras même les secrets de la grâce. Et pourquoi mettre le secret avec mon amour? Avant voilà. La prière pour les malades. Ensuite le défi. Et il est mon balai. Le signe dans la main, le discernement des malades. Il est mon amour qu'on a payé par ce soir. Il est toujours là et très sincère. Sauf que pourquoi on a pas dans la série? Ça, ce n'était pas spontané. Oui, ils en ont pas sauté. Nous commençons petit en bas. Ils allaient commencer à grandir. Nous devons grandir avec. C'est quoi les longs amours? Ils commençaient à faire des choses plus grandes que celles que nous faisions au début. L'ange a communiqué la même discipline à William Branham. Moi, je l'ai appris ça qui c'est mon boulot à mon moment que pour le début, c'était le premier pour et c'est la libanderie de la main. Et c'est combien de main et les mots à l'homme. Si tu n'utilises pas ta pensée. Surtout au sein de la vacance. Donc c'est dire que Branham pourra venir ici pour utiliser sa pensée. Allez, t'as compris. Et qui nous avait Branham sur la yéna macarisinaïe beaucoup à qui mon pensée. Attentif au directif. C'est la chose à la boquette, la médecine. Fallait faire n'importe quoi. On est dans un état de salata. Deuxième si. Il est moins bien balayé. Si tu continues à être ça. Sauf que pourquoi la cause à la tête, il pouvait être tenté par la moire. À coquille comme un camin. Chercher la vantardise. Le grand le fou. Commence à dire Gaï est un peu poité. Gaï fait. Les choses allaient résister. Ma cabine est écoute Gaï. Dieu résiste pour lui. Quand il te donne un don, ça ne veut pas dire que Dieu m'a permis de dire n'importe quoi. Ça risque de devenir une semaine que j'ai senti, un tonneau vide qui fait du bruit, mais que Dieu a quitté l'homme. Si vous avez le tout pour la pampa, pensez que la pampa est la pampa, mais on ne sait pas si vous avez la pampa. Je n'utilise pas les arômes, les autres. Vous devez conserver l'humilité. Pour que toute la puissance et la gloire revienne à lui. Oui, c'est le mieux sur la tête, mais on ne peut pas le faire à lui. Si tu continues à être. Soit qu'on comprend la cause à la tête, il pouvait aussi ne plus être sincère. Et le secret du cœur là n'avait pas s'exercé. La bombe secrète n'a mis en moi, il a mis pour salé. Faites attention au directif. Quand le Seigneur vous dit une consigne, ce qui colle à l'homme, il est bon. Ne négligez jamais. Ne dites pas, je connais le truc, je sais comment m'aider la paix, je sais comment m'y prendre. Refusez-vous. Dieu va vous confondre. Quand il dit un mot, il pense ce qu'il a dit. Si tu continues à être sincère, tu connaîtras même les secrets de la vie. Vous croyez battre au secret de cœur là, c'est le discernement. Secret à moitié, mes années que ce soit là. Il était le deuxième volet du ministère de Jésus-Christ. Oui, et dans la question de Mibale à le tome. Nous avons cela exercé dans Luc 6. Nous l'avons déjà expliqué et nous avons réuni pour nous rasseoir. Il est le même dans son église. Il veut se reproduire. Vous abandonnez à lui. Nous abandonner à lui. Que Dieu accepte votre sacrifice. Mettons-nous debout pour la prière. Glorifions le Seigneur ensemble, car il

Et que Dieu vous bénisse.